Oui, je sais qu'on m'appelle, c'est les frères avec qui je vais prier. Mais non, vas-y, allez, on va encore. C'est parce qu'ils m'entendent. Allô? Allô? Tu es connecté, allô? La soeur Christiane. Oui, moi je suis bien connectée, c'est juste que je m'installais. Attends. Et vas-y, ma princesse, vas-y. On ne te voit pas, il y a de gros chez toi. Attends, c'est parce que, en fait, comme j'ai ça sur le téléphone, j'étais en train de configurer sur l'ordinateur. Attends, mais excuse-moi, désolé, allez-y, les enfants. Voilà. Ça va? Dis bonsoir à tout le monde, donc. Bonsoir. Allô? Ça va bien comme ça? Il y a quelqu'un qui a le bafle. Frère Francis, tu as le bafle. Si tu as le bafle. Oui, c'est ton bafle qui a le fait. Non, quand elle a le parler, il faut couper ton micro pour que ça ne dérange pas comme ça. Voilà, c'est bon. Ok. Voilà, c'est un succès. La Sainte Christiane, est-ce que tu vois le frère Francis du Maroc? Oui, je vois. Je vois tout le monde. Tu ne lui as pas dit bonsoir. Bonsoir, frère. Bonsoir, comment tu vas? Ça va, quand je dis ça va. Tu es en Belgique, c'est ça? Oui. Mm-hmm. Ah, oui. La Sainte Enanta, mais bonsoir. Bonsoir, la frère et soeur. Bonsoir, soeur. Oui, bonsoir. Ok, je m'enferme maintenant. Désolée. Donc, tu seras seule là, n'est-ce pas? Oui. Quand ça me marie, il est avec les enfants. Oui. On va prendre la soeur. On va prendre la sœur Sophie, Marie-France Sophie du côté de Paris. D'accord. Si elle est connectée, on va commencer. Vous savez au moins chanter les cantiques, non? Oui. Et il y a même la sœur Erna. Il y a même la sœur Erna là, Erna qui est une canticologue. Qui est quoi? Une canticologue. Ah, gloire à Dieu. Du côté du Maroc, il fait encore froid. Hein? Oui, ce week-end-ci encore, il a beaucoup plu. Et la température descend encore. Oui. Alors, la semaine, ça avait un peu remonté, mais bon. Mm-hmm. Là, c'est un peu redescendu. Amen. Et mais de l'autre côté, peut-être une petite chose. Oh non, c'est la chaleur par ici. Ah oui. Ma soeur Christiane, du côté de la Belgique, dans quelle ville de la Belgique? À la périphérie de Bruxelles, donc je suis à Wemel exactement. Ouais. Il fait trop froid aussi là-bas? Non, aujourd'hui il fait quand même un peu meilleur, mais il fait froid, il fait meilleur que qu'hier par exemple, mais il fait quand même froid. Hein. Ok. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc le frère William va nous conduire dans le cantique, les puits. Il va passer la parole au frère Francis qui va nous enseigner. Même moi, il m'avait cherché ma Bible, moi aussi, maintenant, aujourd'hui. Donc, la sœur Christiane, as-tu des questions à poser avant qu'on ne commence au frère, le pasteur Francis qui va nous prêcher depuis quand? Depuis le moment, non, pas tu fuis déjà le titre, hein? Donc, il n'y a pas de questions, la sœur Christiane? Non, pour le moment, frère, non. Ok. Donc, frère, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Cantique numéro 200, dans le champ de victoire. Veille au matin. Veille au matin, quand le ciel sans nuage, sans annoncer. C'est dans ton cœur que peut gronder l'orage, qui fait tomber le pèlerin. Veille au matin, veille le soir. Thank you. céleste séjour. Trouve un instant pour être solitaire dans la prière et dans l'amour. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Veille le soir. Pense au bienfait de ton céleste ami. Cherche avec soin sa divine présence, laissant son cœur tout en souci. Veille au matin, veille le soir. Dans la scène de demain, où doit régner le Tout-Puissant. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Je m'abandonne. Mon Dieu, ça m'abandonne. À Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il fait, je le crois. Et je prends ce qu'il me donne. Avec la croix, compte sur lui, terre à neuve. Tant et dure le combat, que l'on de l'on vive ou que l'on meure, compte sur lui, tout est là. Comptez sur lui, terre à terre, tant que dure le combat, que l'on de l'on vit ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Suis-je enfer sur lui. Don't run! 257. 257. Tu ne sais pas le jour que je verrai mon droit. Je ne sais pas le jour où je verrai le roi, mais je sais qu'il me veut dans sa sainte demeure. La lumière vaincra les ombres à ses cœurs. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. Thank you. jusqu'à la mort. Je vois. Yeah.

Tu te laisses au roi des gloires. Seigneur, pour ta grâce et ta fidélité, nous te demandons. Merci parce que ton retour de grâce, tu nous accordes au roi de la de pouvoir recevoir le Seigneur de frères et soeurs pour nous. Père, nous te rendons grâce et nous te demandons. Merci de Amen. Prions pour eux, pour tous nos frères là, tous ceux-là qui sont à l'extérieur, parce que ce n'est pas facile pour eux. Prions pour eux que le Seigneur les garde de toutes celles du monde et qu'il les préserve du malheur. Prions pour eux. Prions pour eux. Prions pour tous ceux-là donc, pour tous les membres de leur famille qui sont avec eux, et pour tous ceux donc, parce que quand ils sont à la distance, ils pensent à leur famille. Prions également pour leur famille, que le Seigneur touche le cœur des membres de leur famille. Prions pour eux. Amen. Amen. Prions que Dieu les donne d'exercer dans le lieu que Dieu les attend. L'une des choses qui dérange les chrétiens, c'est de savoir exactement où ils se trouvent. Demandons que le Seigneur du Jésus touche chacun et lui montre exactement quel est son rôle et sa place. Prions pour eux. Prions. Seigneur, donne-moi de pouvoir mettre sur la pratique. Seigneur, de pouvoir marcher. Seigneur, de pouvoir obtenir de toi. Puisse-moi, possible, que je puisse.